Méprise anglo-belge. On m'a montré, hier, au concours hippique de Bruxelles, un monsieur auquel il est arrivé une bien drôle d'aventure. Ce pauvre homme, que ses affaires appelaient à Londres, exprimait dans le salon d'une dame anglaise, il y a beaucoup d'anglais à Bruxelles, sa vive appréhension de sa traversée prochaine et du mal de mer qui ne manquerait pas de s'en suivre. « Oh ! » fit la dame anglaise. « Vous êtes effrayé avec le mal de mer ?»« Oui donc, » répondit le monsieur. « Alors, je vais vous donner une bonne système pour que vous êtes très tranquille sur la mer. Vous prenez à chaque quart d'heure un cuillère à café de lui, et voilà que vous êtes tout à fait bien. » Appelant la gouvernante de sa fillette, « Miss Annie, allez, je vous prie, copiez dans ma livre de recettes celui pour le mal de mer. » Et pour donner plus de confiance encore, la dame ajouta, « C'est un système qu'il me donnait un vieux, mon oncle, qui était un missionnaire dans les New South Wales, autrefois. » Miss Annie copia la recette et la remit au monsieur, qui la fit, dès le lendemain, exécuter à son apothèque ordinaire. À son retour de Bruxelles, la première démarche du pâle voyageur fut pour la dame. « Madame, je vous remercie beaucoup de votre aimable intention, mais je dois vous avertir que votre drogue contre le mal de mer a été précisément à l'encontre de votre but. Vous avez été malade ? Comme un monceau de vache, madame ! Oh, c'est étonnant ! Et pourtant j'ai suivi vos instructions à la lettre. Tous les quarts d'heure, j'ai pris une cuillère à café de cette préparation. Oh ! Si bien qu'avant d'arriver à Douvres, j'avais avalé tout le pot. Oh ! Tout le pot ? Quel pot ? Mais donc le pot de la drogue ? Oh ! Cette chose ne devait pas être dans un pot ? Dans une bouteille, oui. Le pharmacien me l'a donné dans un pot. Montre-moi le papier que vous donnez, Miss Annie. » Le monsieur, après une courte investigation dans son portefeuille, retrouva le papier et le remit à la dame. Celle-ci de s'exclamer « Oh, cette stupide Annie ! Au lieu de la système pour le mal de mer, elle avait copié la recette pour la mayonnaise !» Le brave monsieur conclut philosophiquement « Ça est quand même heureux que Miss Annie ne s'est pas davantage trompée. Voyez donc, si elle m'avait fait ingurgiter de l'encaustique pour jaune chaussure. » Plaisir d'été. J'ai là devant moi, sur mon bureau, un tas de lettres haut comme ça, sans exagérer. Cette correspondance provient d'une portion de mes lecteurs qui semble s'être donné le mot, depuis la venue de la belle saison, pour me demander le même renseignement. Ces lecteurs, gens établis et mariés, me prient de leur indiquer un divertissement inédit auquel ils pourront cet été goûter quelques plaisirs, eux et leur famille. Ce divertissement doit donc réunir les conditions qui caractérisent le divertissement de famille, savoir une moralité rigoureuse et une dépense peu élevée. Je ne saurais mieux faire qu'en indiquant à ces braves gens le passe-temps auquel je me livre moi-même et qui m'a déjà procuré quelques heures ineffables, doublées, ce qui n'est point à dédaigner, d'un rondelet petit profit. Voici le détail de l'opération. Il y a un mois, je me suis procuré un certain nombre de fioles, de ces bouteilles à étroits goulots qui servent aux pharmaciens à mettre leurs potions. Dans chacune de ces fioles, j'ai inséré un petit colimaçon juste assez gros pour pénétrer. Afin que le petit animal ne périsse point d'inanition, chaque jour, je lui envoie des feuilles fraîches de groseillers, de poiriers et d'oseille, cette dernière en petite quantité. Un bouchon, rustiquement fabriqué avec une feuille roulée, suffit à empêcher l'évasion de mes petits pensionnaires. Ces derniers semblèrent, d'ailleurs, s'accommoder à merveille de leur transparente captivité, car on les vit grossir à vue d'œil. Au bout de 3 semaines, ils étaient devenus de bons gros escargots, semblables à ceux de leurs confrères que les gens de cuisine accommodent à la mode bourguignonne ou à toute autre mode. C'est à partir de ce moment que put se pratiquer ma spirituelle plaisanterie. Reçois-je des amis dans ma coquette villa, alors je revais mon air de rien et, habilement, au cours d'une promenade dans le jardin, je fais tomber la conversation sur les limaçons. Pas de trop, bien entendu, car elle les briserait. « On ne croirait pas, dis-je, comme la coquille du limaçon peut devenir élastique avec une légère chaleur, rien qu'en la chauffant dans la main, par exemple. »« Ah, vraiment ? fait le pauvre monsieur ou la pauvre dame. Mais oui, ainsi, avec un peu d'habitude, on peut faire entrer une de ces bêtes dans une bouteille à petit goulot, à tout petit goulot. Allons donc. Mais je vous assure, je voudrais bien voir ça, rien de plus facile. Je crie à ma bonne, laquelle est dressée à ce genre de sport. Virginie, apportez-moi une bouteille. Celle-ci est assez grande ? S'informe d'un air innocent la rouée servante. Oui, elle ira bien. Pendant ce temps, j'ai ramassé à terre un assez gros limaçon, et pour bien démontrer que ce n'est pas un limaçon en caoutchouc, je heurte, avec un bruit sec, sa carapace contre le verre. Les yeux de mes visiteurs s'ouvrent démesurément. « Alors ? » s'effare l'un d'eux. « Vous avez la prétention de faire entrer ce limaçon dans cette bouteille ? Voulez-vous parier 100 sous ? Sans casser ni la carapace ni la fiole ? Sans casser quoi que ce soit ? Eh bien, je parie 100 sous. » Si mon interlocuteur n'est pas très riche, j'abaisse le taux de la gageure jusqu'à parfois 50 centimes. 2 minutes après ce dialogue, et à la suite d'une habile substitution, je montre au parieur ma petite bouteille avec, en son sein, un gros limaçon. 9 fois sur 10, le subterfuge n'est point découvert. En tout cas, tout en jouissant de la stupeur de mes hôtes, j'empoche froidement le montant du pari, ce qui est autant de reprises sur les petites dépenses que ces derniers m'ont occasionnées, dame. Un dernier détail tout à mon honneur, et qui pourrait bien me valoir une médaille de la Société protectrice des animaux. Chaque fois que mon truc réussit, je casse la fiole et rends la liberté à l'animal. Dans le cas contraire, je brise le tout sous mon talon rageur. Voilà. Les personnes qui voudraient s'amuser cet été au moyen de ce petit stratagème devront s'y prendre dès maintenant pour être prêtes à la fin du mois. Plaisir bête et cruel. Les personnes qui me font l'honneur de suivre les chroniques si documentées que je publie parfois dans ces colonnes se souviennent peut-être d'un petit divertissement champêtre que je me permis de leur indiquer récemment. Il s'agissait, rappelons la chose en 2 mots, de petits colimaçons qu'on introduisait à l'état d'enfance dans des fioles à mince ouverture et qu'on laissait ainsi prospérer et grossir à seule fin de déterminer la stupeur chez de naïfs invités et de provoquer des gageurs profitables. On étouffe ici. Permettez que j'ouvre une parenthèse. Certains états météorologiques, encore mal déterminés, infacilitent parfois la nombreuse capture d'édits. Pour remédier à cet inconvénient, laissez-moi vous indiquer un système que je tiens d'ailleurs d'une des plus gracieuses lectrices et qui pourra vous servir à l'occasion. Aucun limaçon, le fait est connu, ne saurait résister à l'envie de prendre l'air après une bonne pluie d'orage. Profitez donc des bonnes pluies d'orage pour faire vos provisions de limaçons. Mais, me dites-vous, on n'a pas toujours une bonne pluie d'orage sous la main. C'est là où je vous attendais, braves gens à l'âme simple. Avez-vous quelquefois frémi à un orage, au théâtre ? Fûtes-vous jamais assourdi par les plaques de tôle qu'agitent de frénétiques machinistes ? Ébloui par la fulguration du lycopode soudain flambé ? Eh bien, transportez en votre jardin ces procédés de spectacle. Remplacez l'eau du ciel par un copieux arrosage d'eau légèrement tiédie au soleil, et vous obtiendrez un résultat suffisant pour illusionner le plus roublard des limaçons, et il en existe de diantrement malins dans le tas. Rien de comique, alors, comme de voir ces pauvres animaux sortir en toute hâte de leur cachette et se diriger vers les feuilles mouillées avec une célérité qui ne semble point de leur apanage. Car, ainsi que l'a observé Hippolyte Briolet, on dit toujours « lent comme un escargot ». C'est bête. L'escargot ne marche-t-il pas ventre à terre ? Alors, bon, un courant d'air, si cela ne vous incommode pas, mesdames, nous allons fermer la parenthèse. Je me fatiguais vite à mettre tant d'escargots dans les bouteilles, et bientôt, je modifiais ce sport légèrement. Aujourd'hui, c'est des papillons que j'inclus en mes transparentes prisons, et c'est beaucoup plus gracieux. Je les prends à l'état de cocon, c'en est actuellement la saison, et j'agis avec ces cocons comme avec les petits limaçons. Quelques jours d'attente, abolis la chrysalide et vive le papillon aux 1000 couleurs. Ce qu'il y a de pénible à contempler un pauvre être, et si brillant, enfermé, s'oublie aux curieux, et jamais déjà vu du spectacle. mais joli captif. Je les nourris avec des fleurs de réséda qu'ils préfèrent à toutes autres. Et je songe parfois, bêtement cruel. Si c'est vrai, pourtant, la métempsychose, et quand le frêle papillon que voilà frissonne l'âme d'un vieil aventurier qui accomplit 3 fois le tour du monde et dont les dangers firent le bonheur, comme il doit s'ennuyer dans cette petite bouteille dont la capacité ne dépasse pas 1/8 de décimètre cube. Le crocodile et l'autruche, fable sud-africaine. Il y avait une fois un crocodile qui sommeillait au bord d'une rivière. Vint à passer une autruche, une belle autruche, stupide de cerveau et fière des superbes plumes qu'arborait son derrière. Quand elle aperçut le crocodile, « Te voilà, toi, grand vaurien !» dit-elle avec l'insolence des volatiles de sa caste. Vexé de cette désobligeante interpellation et furieux d'être ainsi réveillé inutilement, le crocodile répondit sur le ton de l'aigreur. « D'abord, vous commencez à me raser, vous, avec vos façons de parler à alligator et à travers. Sachez que je ne suis pas un grand vaurien, mais bien un grand saurien, ce qui n'est fichtre pas la même chose. Vaurien ou saurien, peu importe, vous n'en êtes pas moins un des plus vilains moineaux de toute la zone. Dieu que vous êtes laid, mon pauvre ami !» Et en faisant ces mauvais compliments au saurien, car le crocodile est bien un saurien, la ridicule autruche se tournait et se retournait pour faire admirer les magnifiques plumes de son postérieur. À ce moment, un nuage de poussière apparut à l'horizon. « Alerte, alerte !» fit le crocodile complaisant. « Voici venir des chasseurs d'autruches. Filez, ma belle amie, ou gare les balles de ces messieurs. Quant à moi, ma laideur est ma sauvegarde. » « Le fait est, répondit l'autruche, qu'on n'a aucun intérêt à vous tuer, vous, et à s'emparer de votre queue pour la mettre sur les chapeaux des belles dames anglaises, comme on fait de la mienne. » Au lieu de s'attarder à cette dernière insolence, l'autruche aurait mieux fait de filer, car au même instant, une balle venait la frapper en plein cœur. Le crocodile eut aussi un grand tort, celui de se réjouir de ce résultat, car le bruit qu'il produisit en se frottant les mains fit se retourner un des chasseurs. Une balle dans l'œil le foudroya. Quelques mois après ces événements, dans un grand magasin de New Bond Street, une jeune femme, d'une rare élégance, extrayait de son portefeuille des banknotes pour payer des plumes d'autruche qu'elle venait d'acquérir. Or, ce portefeuille était fabriqué avec la peau de notre feu crocodile et les riches plumes ne provenaient point d'une autre croupion que celui de notre regretté autruche. Moralité, soyez vilain ou soyez beau, pour la santé, c'est kif-kif bourricot. Jujule a mangé les pruneaux. En entrant à l'improviste dans la salle à manger, j'entendis la porte du buffet qui se fermait brusquement, et je surpris mon petit Jujule en train d'essuyer sa bouche avec sa manche. M'apercevant, Jujule imprima à toute sa physionomie un air de candeur ineffable et ses yeux reflétèrent l'azur même du ciel. Quand je vois mon petit Jujule arborer tant de sérénité, ma religion est fixée. Jujule vient de faire un mauvais coup. Oui, mais... quel mauvais coup! Sans l'espoir, d'ailleurs, d'une réponse sincère, j'interrogeai l'enfant. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?»« Rien, papa. »« Comment rien ?»« Non, rien, je t'assure, papa. »« Tu as pris quelque chose dans le buffet ?»« Rien, papa. »« Tu l'as refermé quand je suis entrée ?»« Oui, papa, je l'ai refermé pour empêcher la poussière d'entrer. »« Tu l'avais donc ouvert ?»« Non, papa, il y était avant. » Ce qui m'agaçait dans les réponses de mon petit Jujule, ça n'était pas tant son mensonge, bien naturel en somme, que son air de se moquer de moi, dans les grandes largeurs. Et je connais mon Jujule. Quand il a cet air-là, Torquemada lui-même ne lui arracherait pas son secret. Je résolus donc de procéder à une enquête personnelle et j'explorai les flancs du buffet en vue d'y trouver quelques traces révélatrices du passage de Jujule. Mon investigation ne fut pas longue. Un compotier se trouvait là qui avait contenu des pruneaux. Les pruneaux étaient absents, mais de la sauce s'y étalait encore. Un détective de 6 mois aurait compris. « Jujule, tu as mangé les pruneaux qui restaient du déjeuner ?»« Non, papa. »« Je te dis que si. »« Je te dis que non, moi. »« Où sont-ils, alors, ces pruneaux ?»« Est-ce que je sais, moi ? Est-ce que tu m'as donné les pruneaux à garder ?» J'aime beaucoup, mon petit Jujule, mais je pense que les enfants menteurs et obstinés ont besoin d'une correction. J'allais donc châtier l'enfant quand mon épouse Brigitte, attirée par le bruit, entra dans la salle à manger. « Qu'y a-t-il ? » s'enquit cette dame. « Il y a que Jujule vient de manger des pruneaux et qu'il ne veut pas l'avouer. « Est-ce vrai, Jujule ? » ?»« Non, maman, ça n'est vrai. Je n'ai pas mangé les pruneaux. Pourquoi que j'aurais mangé les pruneaux d'abord ?» Brigitte, mon épouse, est d'une faiblesse déplorable à l'égard de notre fils. Tout ce qu'il fait est bien fait. Naturellement, elle prit parti pour Jujule contre moi. « Pourquoi, mon ami, voulez-vous que cet enfant ait mangé les pruneaux ? S'il les avait vraiment mangés, il le dirait, n'est-ce pas, mon petit Jujule ? Oui, maman. » Et en disant ce « oui, maman », le crapaud me regardait de son œil le plus narquois, semblant me dire « Oui, c'est moi qui les ai mangés, les pruneaux, et puis j'en mangerai encore, et puis zut pour toi !» Une altercation des plus vives éclata entre Brigitte et moi. « Avez-vous vu une lionne au lionceau duquel on reproche d'avoir mangé des pruneaux en temps prohibé ?» Au cours de cette orageuse discussion, une idée lumineuse me jaillit soudain. « Oui, m'écriai-je, c'est Jujule qui a mangé les pruneaux, et je vais vous le prouver. »« Ah, mon Dieu !» clama la lionne. « Vous n'allez pas lui ouvrir le ventre, au moins ?»« Non !» Quelques minutes après cette scène, la science comptait une application de plus. Grâce au tube de Crookes, qui ne me quitte jamais, et un accumulateur d'une énergie peu commune, je photographiais Jujule, suivant le procédé dont se sert Röntgen pour photographier à travers les substances opaques. Le cliché confirma mes prévisions. On y apercevait clairement, dans l'estomac de mon petit Jujule, les 7 noyaux de pruneaux qu'il avait dévorés. Fort de ma découverte, je voulus confondre l'enfant. Mais ce dernier, très au courant des découvertes modernes, me répondit cyniquement. « La prochaine fois que je prendrai quelque chose dans le buffet, ce sera des substances insensibles aux rayons X. »